السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، c'est donc une nouvelle et heureuse occasion qui nous réunit malgré la distance avec les gens de science, حفظهم الله. En l'occurrence, aujourd'hui, le Cheikh Arafat ibn Hassan al-Muhammadi, hafidhahullah ta'ala, qui donc nous a dispensé certains conseils et certaines recommandations et certaines orientations. Il a commencé son discours par une introduction en adressant les louanges à Allah tabaraka wa ta'ala et en lui demandant subhanahu wa ta'ala de couvrir d'éloges et de saluer son serviteur et messager, notre prophète Mohammed ibn Abdillah, sallallahu alayhi wa sallam. Suite à cela, il a exprimé la joie que cela lui procurait que d'être réuni avec ses frères parmi les adeptes de la sunna, al-salafiyya. Et il a commencé son discours en soulignant l'importance de la croyance du dogme des adeptes de la sunna, et également l'importance et le caractère primordial de la voie qu'ils suivent et de leur méthodologie. Et il a fait mention à cet effet du hadith rapporté par l'imam Ahmed ibn Hanbal dans son Musnad et par l'imam Abu Daoud dans ses Sunan, d'après Muawiyah et d'après Anas, le célèbre hadith de la division, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait état du fait que sa communauté allait se diviser en 73 groupes. Tous sont en enfer sauf un. Et il a été mentionné dans une des versions de ce hadith qui a été rapporté par Abdullah ibn Amr ibn al-As que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a été questionné à propos de ce groupe sauvé, il a dit que c'est le groupe de ceux qui sont sur quoi il était, ainsi que ses compagnons radiyallahu anhum. Cette voie-là, c'est la voie de la salafiyya. Cette voie-là, c'est la voie du groupe sauvé. Cette voie-là, c'est la voie des adeptes de la sunna et du groupe uni sur la vérité. Cette voie-là, c'est la voie de la faction secourue. Et toutes ces appellations sont autant d'appellations qui désignent en vérité une seule et même voie, une seule et même chose. C'est d'ailleurs pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a incité sa communauté à suivre la voie de sa sunna et la voie de ses califes bien guidés, il a dit « Accrochez-vous-y et cramponnez-vous-y et mordez-y à pleines dents. » Et il a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a fait mention de ce groupe sauvé, il a dit que ne cessera d'y avoir au sein de sa communauté une faction apparente. Ne lui nuiront point ceux qui s'y opposent, ni ceux qui les délaissent. Et ici, l'apparence al-buhur, ce qui est visé par là, c'est le secours venant d'Allah tabaraka wa ta'ala. De même le fait que cette faction secourue par Allah tabaraka wa ta'ala bénéficie d'une argumentation solide basée sur les textes du Coran et de la Sunna. Le sens donc ici du caractère apparent de ce groupe, c'est le fait qu'ils sont secourus. Et nous retrouvons ce sens-là dans la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, dans la traduction approximative du sens est la suivante: et notre armée sera celle qui prendra le dessus. Et il faut savoir que ce secours, cette aide, ce soutien, il atteint même la personne qui compte parmi les adeptes de la sunna, même si cette dernière est isolée. Si cette dernière est isolée, mais qu'elle est fermement cramponnée à la voie de la sunna, du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, alors il faut savoir qu'elle sera aidée et soutenue par Allah tabaraka wa ta'ala. D'ailleurs, nous retrouvons qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a ordonné de suivre scrupuleusement cette voie. Il a en effet dit, dans la traduction approximative du sens de sa parole, « Et voici ma voie dans toute sa rectitude. Suivez-la donc et ne suivez pas les sentiers qui en dérogent, qui vous écarteraient de celle-ci. » Et c'est d'ailleurs pour cela que dans chaque unité de prière, dans chacune de tes prières, tu récites la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, « Ihdina sirat al-mustaqim » Guide-nous sur le droit chemin. Le droit chemin, c'est le chemin qu'a emprunté le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que les générations privilégiées à leur tête. La génération des compagnons du messager sallallahu alayhi wa sallam, puis ceux qui les ont suivis, et ainsi de suite. Suite à cela, le shir, hafidhahullahu ta'ala, et ici j'insiste à nouveau, comme j'ai pu le faire auparavant, sur le fait que ce que vous entendez actuellement n'est qu'une tentative de traduction et un résumé de ce qu'a pu donner et dispenser le shirk comme enseignement bénéfique, jazakallahu khayra. Suite à cela, donc, il a fait état de la menace qui vise ceux qui dérogent à la voix du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, à la voix de ses compagnons. En effet, Allah tabaraka wa ta'ala a dit, et quiconque fait scission d'avec le messager et suit autre que la voie des croyants, nous le laisserons vers ce vers quoi il s'est détourné, et nous ferons de l'enfer son refuge. Et quel mauvais refuge! Il faut savoir donc que cette menace qui est mentionnée dans ce verset, elle pèse, comme vous vous en êtes rendu compte, sur ceux qui suivent autre que la voie des croyants. Or les croyants qui sont visés ici, ce sont en premier lieu les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc le fait de déroger à leur voie, de suivre autre que leur voie, et de s'opposer à leur voie, constitue un signe de déviance et d'égarement, et mène la personne vers la menace qui est mentionnée dans ce verset qu'Allah nous en préserve. Donc les croyants qui sont visés ici, ce sont en premier lieu les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ceux à propos de qui Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans la traduction approximative de sa parole, vous êtes la meilleure des communautés qu'on ait suscitées au sein des gens. Vous ordonnez le convenable et interdisez le blâmable, et vous apportez foi à Allah. Tout cela donc nous mène vers l'importance du dogme des adeptes de la sunna, du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et du groupe uni sur la vérité, ceux qui suivent scrupuleusement la voie des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ce dogme, cette croyance, cette aqida, cet i'tiqad qui nous est parvenu avec des chaînes de transmission solides qui nous ont été transmises génération après génération par les ulama et les imams de cette communauté. Ce dogme, cette croyance, cet i'tiqad, cette aqida qui a été commentée par les ulama et imams de cette communauté. Et il est donc important d'avoir à l'esprit l'importance de ce point-là. Et il faut savoir que c'est là quelque chose de non négligeable, le fait que de nombreux ouvrages aient été écrits par les ulama afin d'exposer croyance et le dogme des adeptes de la sunna. C'est d'ailleurs pour cela que tu trouves parmi les ouvrages qui ont été composés et qui ont été édités et d'autres qui ne l'ont pas été, ou sur le sunna de l'imam Ahmed, de même que al-sunna de Abdillah, de même que al-sunna de Ibn Abi Shayba, et d'autres parmi les livres qui ont été écrits par les ulama de la sunna, tels qu'al-ibana d'Ibn Battah, ou encore Sharh Usul al-i'tiqad d'Al-Lalaka'i, et d'autres parmi les livres qui ont été écrits portant le nom de la sunna, d'autres portant le nom du tawhid, tels que al-tawhid ibn Khuzaima, al-tawhid ibn Manda, al-iman d'Ibn Manda, et ainsi de suite parmi les livres qui ont été écrits, tels que al-Sharia, al-Ajurdi, et ainsi de suite, autant de livres qui ont été authentifiés et qui nous sont parvenus et qui constituent un patrimoine non négligeable qui expose la croyance, le dogme, l'aqida des adeptes de la sunna, du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, conformément à la voix de ses compagnons, radiyallahu anhum. Il faut savoir qu'après cela, les innovateurs ont dérogé à cette voie-là. parmi eux les Khawarij, les Jahmiya, les Qadariya, Al-Jabriya, Al-Mu'tazila, et à notre époque, l'Ikhwan al-Muslimoun, les frères musulmans, de même que Tabligh, tous contredisent en vérité la voie de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et sont visés par la menace mentionnée dans le verset que vous avez entendu précédemment, dans la traduction approximative du sens. Là, mon frère Abu Tayr dit, Ibn Abi Shayba, c'est l'Iman, sahih. Ibn Abi Shayba, c'est l'Iman. Et c'est possible que moi j'ai dit la sunna. Jazakallahu khayra. Naam. Donc, tous ces innovateurs sont visés par la menace mentionnée dans le verset dans la traduction approximative du sens. Et la suivante, et quiconque fait scission d'avec le messager et suit autre que la voix des croyants, nous le laisserons vers ce vers quoi il s'est détourné et nous ferons de l'enfer son refuge. Et quel mauvais refuge! D'ailleurs, il faut savoir que l'imam Shafi'i, rahimahullah ta'ala, il a considéré que ce verset constituait un argument prouvant et appuyant le caractère argumentatif du consensus et le fait que le consensus des ulama constitue un argument valable et constitue une preuve religieusement prise en compte. Cette croyance-là, elle est basée sur la sincérité du culte vis-à-vis d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est ainsi que les adeptes de la sunna, ils vouent le culte exclusif à Allah tabaraka wa ta'ala. C'est ainsi qu'ils n'invoquent qu'Allah tabaraka wa ta'ala, qu'ils ne prient qu'Allah, qu'ils ne sacrifient que pour Allah, qu'ils n'invoquent qu'Allah, et ainsi de suite. En le fait de n'implorer qu'Allah, de ne demander le secours qu'à Allah, de ne placer sa confiance et ne s'en remettre qu'à Allah, et ainsi de suite parmi les différents types d'adoration. Et tout cela basé sur des textes du Coran, notamment la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, dans la traduction approximative du sens, et la suivante, et il ne leur a été ordonné cependant que d'adorer Allah en lui vouant un culte exclusif, et également le verset, la sourate al-Dhariyat, et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Ils mettent également, c'est-à-dire les adeptes de la sunna, ils mettent également l'accent sur la gravité du shirk, l'associationnisme, le fait d'adorer autre qu'Allah, en plus que d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, en se basant sur des textes parmi lesquels la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, dont la traduction approximative du sens est la suivante: certes Allah ne pardonne pas qu'on lui accorde quelques associés, et il pardonne en dessous de cela des péchés moins graves à qui il veut. Et également le verset 7, certes celui qui associe à Allah, alors Allah lui a interdit le paradis et son refuge sera l'enfer. Et quel mauvais refuge! Et également le hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il a dit: quiconque meurt en ayant attribué à Allah un associé entrera en enfer. Et il faut savoir que ce point-là, cette question-là, la question de l'adoration et de l'exclusivité du culte, c'est le sujet de dispute entre les messagers et leur communauté. En effet, Allah tabaraka wa ta'ala a dit: et nous avons suscité, envoyé dans chaque communauté un messager afin de leur dire: adorez Allah et écartez-vous de tout ce qui est adoré en dehors de lui. Suite à cela, le shir hafidhahullah ta'ala a soulevé un point très important, à savoir le fait que celui qui se cramponnera à cette voie-là, l'aura empruntée et la suivra de manière scrupuleuse, rencontrera des épreuves dans son cheminement et subira de nombreux préjudices. Et les exemples dans cela sont très nombreux. Parmi les exemples qui sont célèbres, celui de l'imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah ta'ala, qui subit de nombreux préjudices afin de soutenir la vérité, notamment lorsqu'il fut confronté aux innovateurs qui s'était égaré dans le domaine des noms et attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Cela a été l'occasion pour le shir d'aborder justement la position des adeptes de la sunna et du groupe uni sur la vérité en matière de foi au nom et attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Cette position, cette foi qui est basée sur la position et la foi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui est la plus savante des créatures concernant Allah Tabaraka wa ta'ala, en effet Allah subhanahu wa ta'ala a dit à son sujet, et il ne se prononce pas sous l'emprise de la passion, c'est plutôt une révélation qui lui est faite. C'est ainsi que les adeptes de la sunna, ils attribuent à Allah tabaraka wa ta'ala ce qu'il s'est lui-même attribué dans son livre ou par la bouche de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et ils exemptent Allah tabaraka wa ta'ala de ce dont il s'est lui-même exempté dans son livre ou par la bouche de son messager sallallahu alayhi wa sallam, dans sa sunna authentique. Également le shir, habibullah ta'ala, a eu l'occasion d'aborder une autre branche du tawhid, l'affirmation de l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala dans sa seigneurie, qui consiste de manière résumée à affirmer qu'Allah tabaraka wa ta'ala est unique dans le fait de créer, d'accorder la subsistance, de diriger l'ensemble de sa création et qu'il est le seul à posséder la royauté absolue. Et dans ce cadre-là, il a fait mention du verset dans la traduction approximative du sens est la suivante. Votre Seigneur, c'est Allah qui a créé les cieux et la terre en six jours, puis s'est établi sur le trône. Il couvre le jour de la nuit, qui poursuit celui-ci sans arrêt. Il a créé le soleil, la lune et les étoiles, soumis à son commandement. La création et le commandement n'appartiennent qu'à lui. Gloire à Allah, Seigneur de l'univers. Après avoir donc mentionné ces trois points-là qui renvoient aux trois branches du tawhid, le Cheikh Hafidhahullah Ta'ala a insisté sur le fait que les adeptes de la sunna fait partie de leur voie et de leur méthodologie le fait de développer tout cela et d'appeler à cela de manière détaillée. Un autre point que le Cheikh a abordé et qui fait partie des caractéristiques inhérentes à la voie des adeptes de la sunna, c'est le suivi scrupuleux de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, à l'inverse des innovateurs qui au final dérogent de cette voie là et il fait partie de la voie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de ne pas statuer de la mécréance d'un musulman à cause du fait qu'il ait commis des grands péchés, si ces grands péchés sont en deçà de la gravité du polythéisme, contrairement à ce que les Khawarij ou les Mu'tazila peuvent faire. En effet, il est mentionné dans de nombreux textes que ceux qui perpètrent les grands péchés dont la gravité est moindre que l'associationnisme restent des croyants. C'est le cas notamment du grand péché qui est le meurtre, le fait de tuer un croyant. Ça fait partie des grands péchés. Malgré tout, Allah tabaraka wa ta'ala, lorsqu'il a fait mention de ce péché-là, il a continué à attribuer ou à faire mention, vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Ça veut dire quoi, hein? Ça veut dire c'est bon? Non. Il a continué à faire mention de la fraternité du meurtrier. Il a continué à faire mention de la fraternité des croyants avec le meurtrier, ce qui prouve bien que ce meurtrier, malgré le fait qu'il ait perpétré un grand péché, reste un croyant qui continue à jouir des droits de la fraternité. Suite à cela, le Shir, il a fait mention d'un développement qu'il est primordial de faire concernant certains termes. Les termes de shirk, l'associationnisme, le kufr, la mécréance, le fisq, la perversité, al-nifaq, l'hypocrisie. Il faut savoir que ces termes-là peuvent aussi bien être majeurs que mineurs. C'est ainsi que tu trouves l'associationnisme majeur et tu trouves également l'associationnisme mineur. La mécréance majeure et la mécréance mineure. La perversité majeure et la perversité mineure. L'hypocrisie majeure et l'hypocrisie mineure. Ce qui est majeur dans cela exclut celui qui s'en rend coupable de la sphère de l'islam. Tandis que ce qui reste mineur n'exclut pas celui qui s'en rend coupable de la sphère de l'islam, bien que en se rendant coupable d'associationnisme mineur, de mécréance mineure, de perversité mineure ou d'hypocrisie mineure, l'individu qui se rend coupable de cela contredit la complétude de la foi. Cependant, la foi ne lui est pas niée dans la totalité, mais il aura contredit la complétude de la foi, et ce développement est d'ailleurs rapporté d'Ibn Abbas radiyallahu anhuma. Un autre point qui fait partie des caractéristiques inhérentes de la voix des adeptes de la sunna et du groupe uni sur la vérité, l'amour qu'ils vouent aux compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et le fait également qu'ils leur reconnaissent la prééminence. Et dans ce cadre-là, le Cheikh Hafidhahullah Ta'ala a fait mention du verset dans la traduction approximative du sens, et la suivante: les tout premiers croyants parmi les auxiliaires et les émigrés, et ceux qui les ont suivis dans la bienfaisance, Allah les agrée et il l'agrée. Et il leur a préparé des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux, dans lesquels ils seront éternels, jusqu'à la fin du verset. Nous nous rendons compte ici qu'Allah tabaraka wa ta'ala a fait les éloges des auxiliaires, l'ansar, qui sont ceux qui ont accueilli le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et ses compagnons qui ont émigré de la Mecque jusqu'à Médine et qui les ont soutenus. Quant aux émigrés, ce sont ceux qui ont justement émigré de la Mecque jusqu'à Médine. Et afin d'insister sur les éloges qui sont faits des émigrés et des auxiliaires, le Cheikh Hafidhahullah Ta'ala a fait mention de certains versets de sourate Al-Hashr, l'Exode, dans lequel Allah Tabaraka wa Ta'ala dit: il appartient aussi aux émigrés besogneux qui ont été expulsés de leur demeure et de leurs biens, tandis qu'ils recherchaient une grâce et un agrément d'Allah, et qu'ils portaient secours à la cause d'Allah et à son messager. Cela sont les véridiques. Il appartient également à ceux qui, avant eux, se sont installés dans les pays et dans la foi. Cette fois-ci, donc, ce sont les auxiliaires qui aiment ceux qui émigrent vers eux et ne ressentent dans leur cœur aucune envie pour ce que ces émigrés ont reçu, et qui les préfèrent à eux-mêmes, même s'il y a pénurie chez eux. Quiconque se prémunit contre sa propre avarice, ceux-là sont ceux qui réussissent. Et il appartient également à ceux qui sont venus après eux, en disant: Seigneur, pardonne-nous, ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi, et ne mets dans nos cœurs aucune rancœur pour ceux qui ont cru. Seigneur, tu es compatissant et très miséricordieux. Donc nous retrouvons ici l'éloge qui est faite des émigrés, l'éloge qui est faite des auxiliaires, et nous retrouvons l'éloge qui est faite des compagnons de manière générale dans le dernier verset de Sourat Al-Fath, dans la traduction approximative du sens est la suivante: Muhammad est le messager d'Allah, et ceux qui sont avec lui sont durs envers les mécréants, miséricordieux entre eux. Tu les vois inclinés, prosternés, recherchant d'Allah grâce et agrément. Leurs visages sont marqués par la trace laissée par la prosternation. Telle est leur image dans la Torah, et l'image que l'on donne d'eux dans l'évangile est celle d'une semence qui sort sa pousse, puis se raffermit, s'épaissit, et ensuite se dresse sur sa tige, à l'émerveillement des semeurs, jusqu'à la fin du verset numéro 29 de Surat Al-Fath. Suite à cela, le Cheikh Hafidhahullah Ta'ala a insisté sur le fait que détester ne serait-ce qu'un seul des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam constitue une marque d'hypocrisie et d'hérésie, qu'Allah nous en préserve. D'ailleurs, on trouve que la quasi-totalité des innovateurs réprouvent en quelque sorte et détestent et éprouvent de l'aversion vis-à-vis de tout ou partie des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam disait d'ailleurs: le signe de la foi, c'est l'amour des auxiliaires, l'ansar. Et le signe de l'hypocrisie, c'est le fait de détester les auxiliaires. Donc le Shir ici a bien insisté sur ce principe qui fait partie des fondements de la sunna, à savoir l'amour des compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, de même qu'il a insisté sur la gravité du fait d'éprouver de l'aversion ne serait-ce que pour un seul d'entre eux. Il faut savoir que les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sont ceux qui ont vécu la révélation qui a été faite au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et qu'ils sont ceux qui ont concouru au fait que le message de l'islam se diffuse, et ils font partie des causes du fait que le message nous soit parvenu. Radiyallahu anhum wa ardahum, qu'Allah les agrée. Suite à cela, le shir a mentionné une autre des caractéristiques inhérentes de la voix, ou à la voix des adeptes de la sunna, ce point qui n'est autre que l'amour des membres de la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait: je vous rappelle Allah à propos des membres de ma maison. Je vous rappelle Allah à propos des membres de ma maison. Je vous rappelle Allah à propos des membres de ma maison. Parmi les membres de la maison du prophète alayhi salatu wassalam, les épouses de ces derniers, radiyallahu anhun, Allah les a d'ailleurs décrites comme telles, en disant dans la traduction approximative du sens de sa parole: Allah ne veut que vous purifiez de toute impureté aux membres de la maison, en s'adressant aux épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans la traduction approximative, je vous invite à revenir à la traduction de ce verset, Wallahu al-Musta'an. On retiendra donc que parmi les membres de la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les épouses du prophète alayhi salat wa sallam. Autre point que le shir a mentionné, sur lequel il a insisté et qui fait partie des fondements de la voie de la sunna, l'écoute et l'obéissance aux dirigeants musulmans. Contrairement au discours des innovateurs, tels que les Khawarij, les Ikhwan, les frères musulmans, ou Al-Qutbiyya, qui dérogent à ce principe fondamental qu'est l'écoute et l'obéissance qui est due ou qui sont dues aux dirigeants musulmans. D'ailleurs, on trouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rendu obligatoire cela même dans des situations extrêmes. En effet, il est rapporté de manière authentique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: écoute et obéis à ceux qui te dirigent, même s'ils prennent tes biens et flagellent ton dos. Et dans certaines versions, même s'ils mangent tes biens. Il est donc strictement interdit de se soulever contre ceux qui détiennent le pouvoir parmi les musulmans, hormis dans une seule situation, le fait de voir une mécréance flagrante à propos de laquelle nous bénéficions d'un argument clair venant d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et le fait de se soulever contre les dirigeants musulmans, c'est là la voie des Khawarij, cette voie qui a été héritée par les frères musulmans qui cherchent à faire se soulever les foules contre leurs dirigeants et contre leurs gouvernants. Et cela n'est pas étonnant en vérité, étant donné que parmi leurs têtes nous en trouvons certains qui ont fait les éloges de la révolution menée par Abdullah ibn Saba et qui fut dirigé contre le calife bien guidé Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, qui avait reçu les éloges du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et à propos de qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait annoncé qu'il serait assassiné et qu'il mourrait suite à une épreuve qui allait l'atteindre, et il avait annoncé par révélation d'Allah tabaraka wa ta'ala ce qui allait lui arriver. La révolution qui visa Uthman, le soulèvement des Khawarij qui se sont révoltés contre lui, a été menée par Abdullah ibn Saba. Et il faut savoir que une des têtes des frères musulmans, qui n'est autre que Sayyid Qutb, a fait les éloges de cette révolution-là et qu'il a dit que quiconque en vérité viendrait à analyser cette révolution qui fut dirigée contre Uthman se rendrait compte qu'en réalité elle représente l'esprit et l'âme de l'islam. À partir de ce moment-là, ne sois pas surpris que les frères musulmans aient les idées révolutionnaires qu'ils ont et que nous pouvons constater. Et il faut savoir qu'à notre époque, ils continuent à chercher à faire se soulever les foules et les peuples contre leurs dirigeants musulmans, et qu'ils dirigent leurs flèches vers l'Arabie Saoudite notamment. Ce pays qui, même s'il forcément accuse certaines déficiences et manquements, est un pays à la tête duquel il y a un gouvernement qui appelle au tawhid, à l'affirmation de l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala, qui condamne le shirk et qui le combat et qui appelle au suivi scrupuleux de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et qui blâme et combat l'innovation dans la religion. Mais tu trouveras que les frères musulmans combattent ce pays-là et cherchent à faire se soulever les foules contre lui. A l'inverse, tu trouveras qu'ils font les éloges des Rawafid et qu'ils ont fait les éloges de la révolution menée par Al-Khomeini et qu'ils faisaient les éloges d'Al-Khomeini en le qualifiant d'imam et de haute autorité dans la religion. Ne sois donc pas étonné de ces contradictions, étant donné qu'en vérité, ils ne font qu'hériter de leurs ancêtres que sont les Khawarij. Le Shir a profité de l'occasion pour insister sur l'importance et l'impérativité d'invoquer en faveur des dirigeants musulmans. Et cela a formellement été mentionné par l'imam al-Barbahari dans son livre Sharh Sunnah, lorsqu'il a formellement énoncé qu'il faisait partie de la voie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, que d'invoquer Allah tabaraka wa ta'ala en faveur des dirigeants musulmans. Et nous retrouvons cela formellement mentionné également par l'imam al-Sabouni dans son livre Aqidat al-Salaf, Ashab al-Hadith. Et cela a été mis en application de manière pratique par l'imam Ahmad ibn Hanbal lors de l'épreuve qu'il subit, rahimahullah ta'ala. Cela donc est un résumé de la voix des adeptes de la sunna dans les quelques points qui ont été soulevés ici. Et le Shir a rajouté certains points suite à cela en disant que les adeptes de la sunna ne sont pas des polémistes qui cherchent à polémiquer. Et dans ce cadre-là, il a fait mention de la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui a dit: il n'est pas un groupe de gens qui se soit égaré après avoir été bien guidé sans s'être vu au préalable ouvert la porte de la polémique. Tu trouveras donc que les adeptes de la sunna, ils combattent et ils condamnent la polémique et ils la distinguent de manière évidente et claire du débat qui serait louable et qui aurait pour objectif de faire apparaître la vérité. Les adeptes de la sunna cherchent donc à exposer la vérité et à la mettre en évidence. Par contre, ils s'écartent de toute polémique qui est blâmable en religion. Également, et cet autre point qu'avait mentionné le Shir est lié au point qui l'a précédé, c'est le fait d'être méfiant et de ne pas fréquenter les adeptes de l'innovation qui cherchent justement à polémiquer dans leur religion en cherchant par là à suivre ce qui est ambigu et équivoque. Le Shir de clôturer son discours, Jazakallahu khayra, en incitant à fournir des efforts considérables dans l'apprentissage de la religion, le Coran, la Sunna, selon la compréhension des pieux prédécesseurs de cette communauté. Également, il a insisté sur le fait de ne pas être repoussé par le faible nombre de ceux qui suivent cette voie-là. Il a également incité à être fidèle aux ulama pédagogues de la sunna qui font preuve de loyauté vis-à-vis de la communauté et qui sont de bons conseils vis-à-vis d'elle, contrairement aux innovateurs qui apparaissent justement lorsque les gens ne reviennent pas aux ulama, alors qu'en présence des ulama, tu trouves que les innovateurs n'apparaissent pas comme ils le font en d'autres périodes. Parmi ces innovateurs-là, Al-Khawarij, de même qu'Al-Ikhwan, qui se caractérisent par le fait de dénigrer les ulama et de chercher à provoquer un fossé ou à creuser un fossé entre la communauté et ses savants. Et ce, en les taxant de fuqaha, des dirigeants, ou encore de murji'a, et ainsi de suite parmi les injures qu'ils peuvent leur adresser. Tandis que toi, en tant qu'adepte de la sunna, tu te dois de respecter et de vouer de l'amour à ces ulama, rahimahumullahu ta'ala. Et c'est ainsi que s'achève, de manière résumée, cette tentative de traduction de cette intervention du noble Cheikh Arafat ibn Hassan, al-Muhammadi, jazahullahu khayra, j'ai essayé d'être le plus fidèle à son discours et j'espère l'avoir été, et j'incite toute personne arabophone et qui aurait constaté une imprécision, une approximation, à en faire part afin qu'elle soit rectifiée. Wallahu al-mu'in, wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Quant aux questions-réponses, que ce soit celle du Cheikh Ahmed Bazmoul ou celle du Cheikh Arafat ibn Hassan al-Muhammadi, je vais faire mon possible pour les traduire ultérieurement, incha'Allah, et je vous en ferai part, bi'iznillah. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.